Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour ça va, ça va, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, tout autour de nous le monde est en fuite. L'amour tu ne savais pas, ça fonce tout droit, soudain la route nous quitte. Un mur, un virage et le beau voyage qui vole en éclats. Où va cet amour fou qui nous entraîne avec lui, traversant des fleuves, des déserts, des jours et des nuits. Avec son train d'enfer, nous emmène-t-il dans un paradis? Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour ça va, ça va, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, vu à vol d'amour, la terre est petite. Vertigineusement, il file arrachant les mots et les marguerites, comme il fait s'effeuiller les pages froissées de notre roman. Nous n'avons pourtant pas quitté la chambre au mur gris, et serré tout contre moi, tu te crois à l'abri, mais en réalité, nous sommes perdus dans l'immensité. Garde les yeux fermés, enfin délivrés, nos cœurs prendront place dans la ronde vermeille que font les soleils tournant dans l'espace. Jusqu'à cet infini où plus rien ne vit, où plus rien ne meurt, nous irons si tu te tiens bien, si tu te tiens fort chérie, si tu t'accroches à mon cœur.